Commençons par l'actualité fiscale. Réduction d'impôt au titre des dépenses d'accueil des personnes dépendantes. Pour bénéficier de la réduction d'impôt pour dépenses d'accueil dans un établissement pour personnes dépendantes, il n'est pas besoin d'engager conjointement des dépenses de dépendance et d'hébergement selon la Cour de Nantes. Et notez que la doctrine fiscale est ainsi désavouée puisqu'elle stipule que la réduction d'impôt ne s'applique aux dépenses d'hébergement qu'à la condition que celles-ci s'ajoutent à des dépenses liées à la dépendance effectivement supportées par le contribuable.